Les côtes sont particulièrement gourmandes en carburant. En effet, le poids de la voiture entre en ligne de compte, exactement comme à vélo. Pour limiter la consommation, le mieux est de ne pas chercher à conserver la vitesse maximum autorisée, d'accepter de perdre un peu de vitesse qui pourra être regagnée dans la descente suivante. Or, le régulateur, une fois enclenché, garde la vitesse programmée, même en côte, alors que dans la descente suivante, le conducteur sera peut-être obligé de freiner, parce que le régulateur n'agit pas sur les freins. Le limiteur de vitesse permet de choisir la vitesse à ne pas dépasser. Mais le conducteur a toute liberté de rouler moins vite, c'est lui qui contrôle l'accélérateur. Et donc, il peut réduire sa consommation en laissant ralentir sa voiture dans les côtes. Réponse B.